Chapitre 6 L'huigne. En un temps record et avec une grande efficacité, Prosper avait pu prévenir dans l'après-midi Paul et Marie Van Aldervelt. En effet, ces derniers avaient été informés par l'intermédiaire d'un magnifique pigeon de course équipé du message glissé dans une bague métallique attachée à sa patte gauche. Il avait pris son envol dans l'arrière-cour d'un café situé sur la commune de Vatrelot. De retour de Belgique le soir même, le volatile revint à son pigeonnier avec la réponse positive des parents de Sœur Rose. Dans la nuit du 9 au 10 septembre 1942, Michel et Prosper emmenèrent le jeune Louis pour son transfert vers la Belgique. Ce dernier se rua une dernière fois dans les bras de Sœur Rose qui était en pleurs. Elle l'embrassa avec une immense tendresse et lui fit signe une dernière fois jusqu'à ce que la fourgonnette Renault, conduite par Prosper, s'éloigne lentement du couvent. À l'arrière, Michel et Louis étaient blottis l'un contre l'autre entre quelques sacs de charbon et de pommes de terre. Louis se rendit compte assez vite que Michel était devenu une sorte de grand frère qui le protégerait durant les mois à venir ou les prochaines années. Il était plutôt rassuré par cette complicité naissante. Le véhicule traversa sans encombre les rues pavées de Roubaix et se dirigea vers Vatrelot, qui pouvait s'enorgueillir de posséder la plus longue frontière de France. En effet, s'étalant sur une limite de plus de 13 kilomètres le long de la Belgique, Prosper n'avait que l'embarras du choix pour trouver un point de passage. Il savait que les points de transit les plus surveillés par les douaniers et qu'il fallait absolument éviter étaient le Riscontou à Tourcoing, ainsi que la Marlière, le Mont Halleux et la Broche de Fer du côté de Vatrelot. Néanmoins, il connaissait quelques chemins de contrebande permettant de franchir plus ou moins facilement les lignes de démarcation entre les deux pays. Prosper arriva à Vatrelot, dans le quartier du Crétinier, et avec la complicité d'un ami cafetier, s'engouffra dans un hangar afin d'y cacher sa camionnette. Raymond, le patron du café Bourloire au Bon Vivant, le copain de Prosper, les attendait afin de leur préparer un repas léger avant leur scabreux périple de nuit. Ce dernier avait surtout pu réunir du petit matériel, dont de bonnes lampes torches, des sacs à dos, des gourdes d'eau potable, des cisailles pour couper les fils barbelés, un couteau pour se défendre et surtout quelques billets ainsi que de la monnaie belge afin de soudoyer les douaniers en cas d'arrestation. C'était même devenu une pratique courante chez les passeurs de guet, comme on les appelait ici. En effet, même les fonctionnaires belges des douanes n'arrivaient pas à boucler les fins de mois en ces temps difficiles. Ils acceptaient volontiers toute petite rémunération supplémentaire des passeurs de cigarettes, fussent-elles illégales. Michel et Louis descendirent de la fourgonnette et, sur les conseils de Prosper, s'habillèrent chaudement, enfilant de bonnes chaussures en cuir imperméable et des vestes sombres pour ne pas être trop visibles. Ils saluèrent Raymond le cafetier, qui leur souhaita bonne chance, et après un quart d'heure de marche sur un étroit chemin uniquement éclairé par la pleine lune, longeant une petite rivière appelée l'Espierre ou le Riz, ils empruntèrent le sentier du Pignon Noir qui bordait une zone marécageuse et un hameau composé de vétustes habitations de tisserands. À peine à une cinquantaine de mètres de la Belgique, qui était délimitée à cet endroit par une succession de prairies où paissaient tranquillement quelques vaches sous de vieux saules, Prosper demanda à Michel et Louis de le suivre en file indienne, en rampant lentement dans les hautes herbes humides, afin de ne pas se faire repérer par une éventuelle patrouille. Du reste, ils entendirent au loin les aboiements de quelques chiens qui ne provenaient certainement pas d'une brigade de douaniers, mais d'une ferme isolée du côté d'Herzo. Ils réussirent à passer sans encombre sous des barrières de bois installées par des paysans flamands pour cantonner leurs troupeaux. Et enfin, ils franchirent rapidement cette limite invisible entre la France et la Belgique. Ils étaient enfin outre Quiévrain. Les trois compères franchirent les ballastes d'une voie de chemin de fer qui menait à Mouscron et continuèrent à traverser sur plusieurs kilomètres des champs de maïs qui n'avaient pas encore été récoltés et constituaient pour eux une formidable barrière naturelle. C'était surtout un moyen d'être invisible durant leur parcours des plus risqués. Arrivés dans la campagne du village de Luynes, qui s'étalait devant eux à l'horizon, faiblement éclairé par quelques réverbères, ils se dirigèrent vers une colline isolée où se trouvait sur son modeste sommet une petite ferme étrangement dominée par une immense antenne radio dont on ne percevait que l'obscure silhouette s'élevant vers le ciel étoilé. Il s'agissait du col de Luynes, comme le dénommaient fièrement les paysans du coin. C'était une désignation assez prétentieuse pour une si modeste colline qui ne dépassait pas les 100 mètres d'altitude. Ici, on était loin des sommets alpins ou pyrénéens. Prosper, Michel et le petit Louis remontèrent discrètement et en silence le chemin d'en haut, qui était la seule route menant à la ferme du couple Van Eldervelt, les parents de sœur Rose. Ils étaient enfin arrivés à destination dans cette paisible campagne belge qui sentait bon les foins coupés et le fumier de cheval. Après avoir fait 3 signaux lumineux avec sa lampe torche, Prosper aperçut devant lui une étrange et imposante silhouette dans l'obscurité qui brusquement leur barrait le passage. Tous 3 crurent un instant en la présence d'un redoutable douanier. Il s'agissait tout simplement de Paul Van Eldervelt, le père de sœur Rose et propriétaire de la ferme, qui les attendait depuis 2 heures, impatient de les accueillir sur son domaine agricole. D'une voix grave, il s'adressa à eux. « Bonjour, messieurs, enfin vous êtes arrivés. J'ai eu si peur pour vous. En ce moment, passer la frontière comme vous venez de le faire, c'est prendre des risques inouïs. Souvent, les boches ne font pas de cadeaux et tirent sans sommation. » Michel. « Bonjour, monsieur Van Eldervelt. Nous sommes contents de vous voir devant nous. Votre fille, sœur Rose, nous a si souvent parlé de vous. »« Eh bien, j'espère. »« Oui, tout à fait, monsieur. »« Arrêtez de m'appeler monsieur, mais dites tout simplement Paul, en me tutoyant. Ici, en Wallonie, tout le monde se tutoie. Il n'y a que les Français qui se vouvoient comme les aristocrates ou les grands bourgeois des temps passés. » Michel changea aussitôt de ton et d'attitude, adoptant curieusement un accent belge. « Oui, tu as raison, Paul. Donc, merci de nous accueillir chez toi en pleine nuit, et permets-moi de te présenter celui qui nous a conduits jusqu'ici. Il s'agit de Prosper, notre sympathique passeur, l'ami de ta fille et jardinier du couvent, accompagné de ce très cher enfant qu'Hélène, je veux dire sœur Rose, a hébergé un certain temps chez les Clarisses de Roubaix. Voici Louis, notre jeune et valeureux compagnon d'exil et d'exode, un vrai héros. » « Bonjour, mon petit Louis. Je suis le papa d'Hélène, ou sœur Rose, si tu préfères. C'est moi et mon épouse Marie, que je te présenterai demain matin, qui t'hébergerons au cœur de notre ferme. Tu verras, tu y seras bien, et tu profiteras ici du bon air de la campagne, en compagnie de nos nombreux animaux. Tu feras leur connaissance à ton réveil après une bonne nuit de sommeil. » « Bonjour, monsieur. Merci pour votre aide. Vous savez, je considère votre fille Hélène comme ma seconde maman. » « Tu es un bien gentil garçon, mon petit Louis. Allez, viens, il commence à faire bien froid en ce début du mois de septembre. » Paul Van Eldervelt prit la main de Louis afin de le guider dans la pénombre à la lueur de sa torche et invita Prosper et Michel à pénétrer dans l'obscurité de la cour de la ferme, encombrée de vieilles charrues rouillées, telles des vestiges familiaux d'un autre temps. Ils longèrent une fosse à purin d'où émanait une pestilentielle odeur de lisier de porc et soudainement furent surpris par le grognement d'un beauceron enfermé dans une immense cage qui se mit à aboyer à leur passage. Il s'agissait de Max, le chien de garde, qui prévenait de l'arrivée de toutes personnes indésirables et en particulier les voleurs de poules. La bâtisse principale où vivaient les Van Eldervelt était une sorte de modeste longère flamande de briques rouges aux volets verts, garnie de 2 ailes secondaires constituant les dépendances, qui servaient à la fois d'étables pour les bêtes, de granges pour le stockage du fourrage et de remises pour les outils et le matériel agricole. Le tout formait un ensemble architectural hétéroclite totalement dépareillé qui ceinturait une cour semi-fermée donnant sur les pâtures et les champs. Alors que Paul venait à peine d'allumer la lumière de la minuscule gamelle de métal qui éclairait la pièce principale, le petit Louis, exténué par ce laborieux périple nocturne, se rua sur l'unique canapé en cuir usé qui trônait contre le mur du salon afin de s'y allonger et demanda poliment à Paul un verre d'eau fraîche. Ce dernier lui proposa plutôt un bol de lait battu qui venait de bouillir sur le fourneau à bois alimenté en permanence de bûchettes que son épouse Marie préparait consciencieusement chaque jour afin de cuire de bons petits plats. La maison sentait un mélange de bois brûlé, de paille humide, de chien mouillé, d'urine de chat et de carbonate flamande caramélisée qui continuait à mijoter toute la nuit jusqu'au petit matin. Tel un rituel hebdomadaire et à l'instar d'un cérémonial de purification, il n'y avait que le dimanche aux aurores que Marie Van Eldervelt faisait le grand ménage, comme elle le disait haut et fort à ses voisines, avec son accent wallon à couper au couteau. Elle lavait entièrement sa maison à grande eau et au savon noir, écoutant la messe à la radio pendant que Paul dormait encore. Comme par miracle, cela donnait une fraîche impression de propreté couvrant la crasse des autres jours, due aux tâches agricoles très salissantes et aux incessants va-et-vient de Paul avec ses bottes crottées. Ici en Belgique, même durant la guerre, les femmes ne lésinaient pas sur l'hygiène du foyer, y compris dans les campagnes. Paul désigna à Michel et Prosper une minuscule chambre qu'ils partagèrent afin de se reposer. Ces derniers avaient l'intention de passer une journée à la ferme avant de reprendre la nuit suivante le même chemin inverse vers la France. Quant à Louis, Paul lui proposa une grande et belle chambre qui était celle de sa fille Hélène, devenue à 20 ans sœur Rose des Clarisses. Terrassé par le sommeil, Louis salua tout le monde avant d'aller se coucher. Il fit une dernière prière, comme lui avait appris sœur Rose, et se glissa sous un énorme édredon de plumes d'oie, gonflé comme un soufflet au fromage, et garni d'un grand couvre-lit en dentelle de Bruges. Avant d'éteindre la lumière avec une curieuse chaînette qui pendait au-dessus du lit, il fit un dernier tour du regard afin de scruter le moindre détail de cette chambre très austère et vieillotte, à l'odeur d'encens pontifical. Relevant la tête, il vit un petit crucifix de bois empoussiéré qui dominait l'espace. Il était très certainement accroché au mur pour protéger le sommeil de chaque visiteur ou rejeter les vilains cauchemars issus du malin. Il y avait également au-dessus d'une coiffeuse de style art nouveau une multitude de petits cadres figurant une succession de chromos de saintes et en particulier Sainte Thérèse, reconnaissable par son bouquet de roses blanches qui avait très certainement influencé la vocation religieuse d'Hélène. En dernier lieu, Louis remarqua un gros poste TSF de marque Belvox, posé sur une ancienne table de machine à coudre Singer, coincée entre deux imposantes armoires en chêne foncé, qui suscita toute sa curiosité. Il se sentait déjà bien dans cette chambre, certes glaciale et encombrée, mais où il pourrait enfin écouter de la bonne musique, et particulièrement du boogie-woogie et du bebop, comme il le faisait régulièrement chez ses parents à Tourcoing. C'en était fini des lancinants chants religieux qui ponctuaient son quotidien d'enfant marqué par l'absence de ses parents. Louis avait envie de revivre dans un certain confort familial que les Van Eldervelt pouvaient enfin lui fournir et surtout retrouver la joie de vivre et l'insouciance de ses jeunes années grâce à la musique. Le lendemain matin, vers 7 heures, Louis se réveilla le premier, le visage éclairé par les premières lueurs du soleil, qui passait dans l'entrebâillement des volets de sa chambre. Lentement et prudemment, il descendit de l'imposant matelas sur lequel il avait profité d'une bonne nuit de sommeil réparatrice. Ses pas légers sur le vieux parquet de la salle à manger provoquaient des craquements, risquant de réveiller toute la maisonnée, et particulièrement Paul et Marie, qui dormaient encore. Louis ouvrit la porte vitrée donnant sur la cour de la ferme, et à sa grande surprise, fut accueilli par une myriade de dindons qui paradaient devant lui à la recherche de nourriture. Il s'asseya sur le seuil en pierre bleue de la porte et les observa longuement. C'était la première fois qu'il voyait ce type de curieux gallinacés qu'il connaissait uniquement grâce à ses livres scolaires. D'un seul coup, il entendit derrière lui la voix d'une femme qui l'interpella. Il se retourna et vit celle qui devait être Marie Van Eldervelt, la femme de Paul. « Bonjour, jeune homme. Je suppose que tu es Louis, notre invité à la ferme. »« Bonjour, madame. »« Non, appelle-moi Marie. Ce sera plus simple entre nous. J'ai l'impression qu'hier soir, tu as vécu une sacrée aventure en traversant la frontière. Tu as été très courageux. »« Oui, cela n'a pas été facile. J'ai peur pour Prosper et Michel qui doivent reprendre les mêmes chemins la nuit prochaine. »« Ne t'inquiète pas. » Paul va les aider en les conduisant à proximité de la frontière française avec son tracteur. Prosper, Michel et Paul sortirent presque en même temps de leur chambre et s'installèrent autour de la longue table, où Marie, affublée d'un peignoir jaune moutarde et de bigoudis sur la tête, avait déjà préparé un copieux petit-déjeuner composé de bols de café de contrebande achetés au marché noir, de gros pains de seigle, d'une motte de beurre et d'un carré de maroilles. Paul conseilla à Michel et Prosper de ne pas quitter la cour de la ferme, afin d'être le plus discret possible durant leur journée passée avec eux. Ces derniers aidèrent donc Marie et Paul à stocker les ballots de paille dans la grange et à descendre à la cave la cinquantaine de sacs de pommes de terre que Paul venait de récolter dans ses champs. Avec plaisir, Louis les aida dans cette tâche paraissant ingrate, mais qui pour lui s'avérait être un jeu. Pourtant, sa mère lui disait souvent qu'il était un petit gars de la ville. Jamais il n'aurait un seul instant imaginé devenir un jeune fermier, aux côtés de Paul qui, fier de lui, l'avait déjà en quelque sorte adopté. En fin d'après-midi, Prosper et Michel préparèrent leurs sacs et matériel afin de reprendre la route dans la nuit. Sur la table de la salle à manger, Paul avait laissé traîner un exemplaire du journal de Tournai qui paraissait le soir et relatait les nouvelles du jour. Michel le saisit et tourna les quelques pages. D'un seul coup, stupéfait, son regard s'arrêta sur un grand article relatant les arrestations qui avaient eu lieu le matin même, de l'autre côté de la frontière, dans le nord Pas-de-Calais. Michel eut une sorte de vertige et son sang se glaça en lisant les quelques lignes de ce canard belge. En effet, comme il l'avait pressenti lors de la préparation des wagons de marchandises à la gare de Lille, il venait d'apprendre qu'une immense rafle de plus de 200 personnes d'origine juive avait eu lieu ce vendredi 11 septembre 1942. Si l'article ne parlait pas d'un regroupement de toutes ces personnes à la gare de marchandises de l'île Five, Michel savait en tant que cheminot que ce convoi ferroviaire était bien à destination de Malines en Belgique, puis d'Auschwitz en Pologne. Le petit Louis Delbar avait donc échappé de peu à la plus grande opération organisée par la Gestapo de Lille dans la région nord, avec l'aide de la police française, sous les ordres du gouvernement de Vichy. Kurt Kohls et ses hommes avaient dû y participer activement. Michel et sœur Rose avaient donc vu juste en évacuant au plus vite le petit Louis du couvent des sœurs Clarisse. Michel montra l'article à Prosper, assez indifférent à ce genre de nouvelles et plus porté sur ses petits intérêts de magouilleur de clopes, appelé ici Toubac. Au fond de lui, Michel était fier d'avoir participé à la fuite d'un jeune garçon, fils de partisan recherché par la police allemande. Grâce à son action héroïque, un enfant de plus avait échappé à la déportation. Michel était devenu en quelque sorte un héros, malgré lui, et surtout un grand résistant comme sa sœur Justine. Au début de la nuit, vers 22 heures, Michel et Prosper embrassèrent Marie et Louis, qui étaient debout sur le pas de la porte, la mine triste. Michel prit une dernière fois le jeune enfant dans ses bras, lui promettant de demander régulièrement de ses nouvelles auprès de Prosper, qui passait régulièrement la frontière pour ses petits trafics de tabac. Les deux compères s'allongèrent au fond de la remorque du tracteur de Paul. Ce dernier avait l'habitude de conduire dans l'obscurité, se guidant par le faible éclairage du véhicule agricole quand il travaillait tard dans la soirée à labourer ses hectares de champs avant l'arrivée des nombreuses pluies d'automne. Paul les rapprocha de la frontière française qui se situait exactement au milieu de l'une de ces prairies et les salua pour la dernière fois. Il vit Michel et Prosper s'engouffrer dans un gros buisson d'aubépine avant que ces derniers ne courent le plus rapidement possible sur une centaine de mètres afin de rejoindre un champ de maïs situé sur la partie française de cette plate campagne. D'un seul coup, Paul entendit retentir au loin des coups de fusil. Au volant de son tracteur, tout feu éteint et à toute allure, il reprit immédiatement la direction de Luynes afin de ne pas être repéré. Le corps tremblant de peur, il rentra immédiatement à la ferme et ne montra aucunement son angoisse à Marie et Louis qui l'attendaient avec impatience. Devant eux, il fit mine que tout se soit passé correctement. De leur côté, Michel et Prosper venaient d'essuyer une rafale de balles perdues de la part de douaniers belges, furieux de ne pas avoir pu les arrêter dans leur course-poursuite à travers champs. Trempés de sueur, les deux fugitifs avaient réussi à rejoindre à pied le café Bourloire au Bon Vivant où les attendait Raymond, plutôt inquiet, qui leur avait préparé des affaires de rechange et de bols de viandox chaud. Au petit matin, ils reprirent la route au plus vite et quittèrent le bistrot avant l'arrivée des premiers clients. Prosper conduisit Michel avec son estafette Renault près d'un arrêt de tramway à destination de Lille et le salua en lui promettant de garder le contact par l'intermédiaire de sœur Rose. Michel retrouva ses parents chez lui, dans le quartier de Vazemmes. Apeuré par leur réaction imprévisible, il leur raconta son aventure et pour la première fois, il vit un immense sourire sur les lèvres de sa maman Germaine. Elle était fière que Michel s'engage enfin dans la résistance, comme sa pauvre fille Justine, qui croupissait dans les cellules de la prison de Loos. Germaine et Roger Denecker avaient soif de vengeance. Seul leur fils Michel, qui avait décidé de rejoindre un groupe de résistants communistes, les francs-tireurs et partisans basés à Boulogne-sur-Mer, pouvait combler leur profond désir de se faire justice soi-même. Leur principal ennemi avait enfin un visage et un nom, celui de Kurt Kohls, le redoutable inspecteur de la ZIPO-SD et tortionnaire de leur fille Justine. Deux semaines après le transfert du petit Louis en Belgique, le jeudi 24 septembre 1942, Sœur Rose et Prosper le passeur et trafiquant de tabac furent arrêtés, interrogés et transférés directement à la prison de Loos. Ayant subi la brutalité de Kohls, à l'instar de Justine, ils nièrent les faits reprochés et ne divulguèrent pas la planque du petit Louis en Belgique. Michel, qui curieusement n'avait toujours pas reçu la visite des inspecteurs de la Gestapo, se demanda en premier lieu qui avait pu dénoncer ces deux comparses, et en second lieu pourquoi Kurt Kohls ne l'avait pas arrêté et interrogé lui-même. Il comprit très vite que Kohls l'avait épargné uniquement par convenance personnelle, afin de pouvoir continuer à jouer avec lui au 421. Michel était devenu son partenaire de jeu, une sorte d'homme-objet que Kohls pouvait manipuler à tout moment comme une vulgaire marionnette. De plus, Kohls avait très certainement fermé les yeux sur l'escapade de Michel en Belgique, afin de pouvoir le faire suivre par ses hommes et remonter ainsi la piste jusqu'à l'enfant. Épargné de toute arrestation de la Gestapo, Michel devenait également un délateur idéal aux yeux des réseaux de résistance, auxquels appartenaient Sœur Rose et Prosper. Il risquait ainsi sa vie à chaque instant par d'éventuelles représailles des groupes de partisans d'Ali France et Alliance, qui maintenant devaient le considérer comme un traître, un Judas. Il était impossible que Michel puisse se justifier auprès d'eux en prouvant le contraire, car curieusement sa liberté devenait de plus en plus suspecte, y compris auprès de ses collègues de la SNCF qui le voyaient jouer régulièrement avec Kohls. Ce dernier avait tout calculé et devenait de plus en plus pervers. Michel se sentait isolé, ne pouvant plus rendre visite à Justine, ni du reste à Prosper et Sœur Rose à la prison de Loos. De même, il avait l'impression d'avoir abandonné le petit Louis Delbar de l'autre côté de la frontière, au sein de la ferme du couple Van Aldervelt, les parents de Sœur Rose. Ces derniers n'étaient certainement pas au courant de l'arrestation de leur fille et son incarcération à Loos. C'était mieux ainsi, afin de les épargner momentanément du chagrin et de la douleur de ne plus la revoir. Finalement, Michel ne pouvait pas savoir si Louis, livré à lui-même, avait été arrêté par la Gestapo belge. C'était devenu insupportable de vivre dans un doute permanent sans avoir de réponse précise sur le devenir du jeune garçon. Mais qui avait pu trahir Sœur Rose et Prosper? Cette question revenait incessamment dans l'esprit de Michel. La seule personne qui était au courant de cette opération de transfert du petit Louis au-delà de la frontière française était Raymond, le patron du café Bourloir au Bon Vivant, à Vatrelot. Mais quel était son intérêt? Lui qui avait l'air si charmant en préparant du matériel de survie, planquant même l'estafette de Prosper dans son hangar. Raymond avait pourtant la réputation d'être un bon résistant au sein du réseau Sylvestre Farmer et un proche du capitaine Michel. Cette hypothèse devenait totalement absurde. Certes, Raymond n'avait pas été inquiété par la police française ou la Gestapo. Il avait continué tranquillement à ouvrir chaque jour son bistrot qui faisait le plein et surtout de la concurrence au café d'en face, fréquenté exclusivement par des ouvriers flamands en provenance d'Avelgem, en Belgique, travaillant pour des usines de filature roubaisienne. Michel était désemparé et ne savait plus vers qui se tourner, à part ses propres parents. Il devait rester le plus discret possible et continuer à jouer avec Kohls comme si de rien n'était. Il se disait au fond de lui qu'à un moment la vérité éclaterait au grand jour. Mais, pour l'instant, Michel était devenu le suspect numéro un aux yeux de tous, et particulièrement de ses collègues cheminots des réseaux de résistance du Nord et des sœurs Clarisse de Roubaix. La situation était intenable pour lui. Fuir en Belgique ou ailleurs en zone libre leur aurait donné raison. Pour Michel, le champion du jeu, c'était échec et mat. Il n'avait aucune solution, aucun espoir quant à son avenir. Il devait tout simplement rester le plus discret possible en s'effaçant au fond de son miteux café de prédilection ou chez ses parents à Vazem.